1239, activation, dictée, forme masculine et féminine. Complétez les phrases que vous entendez. 1. Elle est amusante. 2. Il est fascinant. 3. Elle est méchante. 4. C'est la suivante. 5. Elle est blonde. 6. Il est bavard. 7. Elle est sourde ou idiote ?